Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. Nous sommes le mardi 4 mai 2021, il est un peu plus de 14h, il est presque 14h02. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Stéphane du groupe de musique Fils qui est là pour nous parler de sa carrière de chanteur, de musicien et de son groupe Fils ainsi que de leur première EP éponyme sortie le vendredi 19 mars 2021. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. En fait, je me permets de te tutoyer. Oh, non, juste une seule chose, je t'entends pas très bien. Ah, d'accord. Je sais pas si c'est possible de mieux t'entendre. Je crois que nous, depuis la table de mixage, je peux pas faire grand chose. Malheureusement, peut-être essaye de changer de pièce ou quelque chose. C'est plus en fait, je t'entends, mais c'est en très très faible volume. D'accord. Au pire, j'essaie de monter le volume de mon micro pour voir si ça, tu m'entends mieux ou pas. Là, tu m'entends mieux ou c'est toujours pareil? Ouais, je t'entends un peu mieux là. Ok. Désolé, mais c'est vrai que sinon, ça va être compliqué. Pas de souci. Bah, écoute, je monte encore un petit peu mon micro. Voilà. Je sais pas si tu m'entends mieux là. Un peu mieux, ouais. Ok. Bon, on va essayer de faire avec du coup. D'accord, ok. Donc, du coup, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? Me présenter en quelques mots, mais oui. Je me présente, je m'appelle Fils, avec un point, histoire de discerner du mot Fils, tout court, pour pouvoir me retrouver. Et c'est un projet solo que j'ai monté à côté du projet qui s'appelle Mamakia, que j'ai en duo. D'accord. C'est un nouveau projet, voilà, que j'ai lancé pendant le confinement. Donc, pop rock indie, ouais, premier EP de 4 titres, un peu aérien et en français. D'accord. Donc déjà avant d'aller plus loin, je tenais à remercier et à saluer comme la semaine dernière Géraldine de Le Bureau de Lilith, la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents de musique actuelle, car c'est Géraldine qui nous a mis en contact, car sinon sans elle cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Donc merci Géraldine. Oui, je le remercie aussi. Parfait. Donc, je l'aime beaucoup. Oui. Avant de parler de ta carrière et de ton EP à proprement dire, quel a été ton parcours personnel? Est-ce que tu as fait des études musicales ou est-ce que tu ne t'es dirigé vers la musique que plus tard? J'ai fait de la guitare classique quand j'étais tout petit. D'accord. Ensuite j'ai arrêté parce que j'avais un professeur qui était très dur, très sévère. Il m'a un peu dégoûté de la musique. D'accord. Et ensuite j'ai recommencé par moi-même à l'adolescence, en reprenant des morceaux de Red Hot Chili Peppers, genre, je crois avec la guitare folk. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à rejouer tout le temps, à monter mes premiers groupes. Et voilà, après ça s'est fait. En fait, j'ai toujours joué de la musique jusqu'au moment où j'ai vu que je pouvais en vivre. Et voilà, donc ça a été une évolution assez logique. D'accord, donc actuellement, tu as la chance de vivre de ta musique? Oui, je suis intermittent du coup du spectacle. Et oui, du coup, je suis avec les concerts depuis différents projets, j'arrive à en vivre. D'accord, parfait. Donc, du coup, tu l'as dit en début de cette émission, donc Fils, c'est ton nom de scène? Oui. Ok, donc c'est pas le groupe qui s'appelle Fils, c'est vraiment toi, du coup. Donc, oui. Oui, en fait, c'est ça, c'est un projet que j'ai lancé tout seul, où j'ai tout composé, en fait. Et donc, du coup, Fils, c'est moi dans ce projet, et après, je suis accompagné de 3 autres musiciens, en fait. D'accord, on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Donc, du coup, pourquoi avoir choisi ce nom pour comme nom de scène? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, on a plusieurs qui sont plus ou moins assez personnels. D'accord. Et je sais pas, ça me correspondait par rapport à mon rapport avec les gens, par rapport au rapport avec ma famille. Je me suis toujours un peu dans cette place-là où j'ai l'impression, malgré l'âge, malgré le temps qui passe, de toujours avoir ce regard d'enfant, en fait. Comparé à certaines personnes, et du coup je me sens bien à cette place-là. Et je trouvais que Fils avait du sens. D'accord, donc comme tu l'as dit en début, Fils avec un point pour faire la différence entre le fils et l'enfant d'un père et d'une mère. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment pour retrouver plus sur internet en fait que j'ai mis un point à la fin. D'accord. Ouais. Donc tu l'as un petit peu dit, mais tu peux peut-être un petit peu développer. Comment décrirais-tu ton style de musique? Mais j'ai toujours du mal à donner à définir parce qu'il y a tellement de qualificatifs pour les groupes. Des fois on se perd un peu dedans. D'accord. Mais après, je dirais qu'il y a un côté pop, parce que genre, c'est les chants en français, ça reste rock, mais ça reste doux, ça reste assez accessible. Le côté rock, forcément, il y a des guitares qui sont un peu saturées quand même, une batterie, il y a une énergie qui peut taper un peu, quoi. Et le côté indie, parce qu'il peut y avoir un côté des fois un peu plus psychédélique qui va essayer de chercher quelque chose d'un peu plus planant, quoi, un peu plus destroy. Donc je sais pas, je dis pop rock indie, mais il y en a qui vont peut-être dire qu'il y a des inspirations shoegaze dedans. Je sais pas, j'ai un peu de mal à définir toujours. D'accord, pas de souci. D'ailleurs là, j'ai justement l'EP que tu nous as envoyé à la radio sous les yeux, avec du coup la pochette. Donc sur la pochette, elle est assez simple. Du coup, il y a ton nom de scène écrit en gros en bas de la pochette. Et au-dessus, il y a une illustration d'un homme aux cheveux longs. Je suppose que ça te représente. Oui. Mais dans le visage de cet homme aux cheveux longs, il y a un autre visage d'un autre homme aux cheveux longs, mais un petit peu orange, qui a l'impression qu'il crie. Qu'est-ce que tu voulais montrer, faire comprendre à travers cette jaquette? C'était montrer un visage de façade qui paraît doux, mais qui contient quelque chose de plus violent en interne. D'accord. En fait, ça représente les émotions qu'on a en général, en fait, et qu'on retranscrit, que la musique en tout cas aide à retranscrire. Mais voilà, tous les traumatismes, les émotions fortes qu'on peut vivre au quotidien, qui sont souvent cachées ou qu'il faut aller chercher, quoi. Mm-hmm. C'est ça que ça représente. D'accord. Et justement, sur le CD, il y a le profil donc qui te représente, et juste en face, il y a le profil donc de toi qui crie, tu te fais un propre face-à-face à toi tout seul, en fait, sur le disque. Oui, c'est ça, mais ça représente un peu l'introspection, en fait. C'est genre un visage qu'on voit de quelqu'un tous les jours, mais qui cache, en fait, toutes ses frustrations et ses émotions, quoi, plus personnelles. D'accord, ok. Donc, est-ce que ce projet, donc cette EP, est-ce que c'est ton premier projet musical, ou est-ce que tu as déjà un, ou pourquoi pas plusieurs albums auparavant? Oui, j'ai sorti, j'avais un premier groupe. Oh, j'ai eu plusieurs groupes, mais ce qu'on peut noter, c'est Maximus, que j'ai eu il y a 6 ou 7 ans, je crois. Mm-hmm. On a sorti un premier EP, et ensuite on n'avait pas les mêmes envies, les mêmes directions, du coup ça s'est terminé. J'ai monté un autre projet qui s'appelle Mamakia avec le batteur. D'accord. Et là on continue toujours à jouer du coup avec, et on a sorti un premier EP et un premier album l'année dernière, juste avant le confinement, en février. Et voilà, et là, fils, du coup, premier EP. D'accord. Donc, j'ai perdu ma prochaine question. C'est pas grave, je vais la retrouver. C'était par rapport aux albums, c'était... Je relis ma trame. Mamakia, le groupe d'avant. Oui, voilà, c'est... Oui, donc là, c'est bon, j'ai retrouvé ma question. Donc, du coup, fils, c'est toi tout seul, bon, t'es entouré de musiciens. Donc, tu réussis... C'est pas trop compliqué de gérer, on va dire, ta carrière solo et ta carrière de groupe avec Mamakia. Non, ça va. Franchement, j'arrive à le faire. Il faut juste pas mal d'organisation, parce que dans FIS, les musiciens qui m'accompagnent, ils ont aussi d'autres projets. Mm-hmm. Et ça demande de bien planifier tout à l'avance, chose que je suis pas très bon pour faire. Je suis plus dans l'instinctif et faire les choses quand je les sens. Et là, ça me demande vraiment de prévoir des mois à l'avance et tout. Donc voilà, je m'entraîne à faire ça. Mais en soi, gérer deux projets, ça va, ça se fait. D'accord, c'est juste une question d'organisation. Ouais, je pense que c'est ça. Ok. Et ça fait du bien, après, c'est deux projets un peu différents, du coup, je peux m'épanouir différemment dedans. C'est vrai, j'imagine, oui. Donc, en préparant cette émission, j'ai fait, bien sûr, mes petites recherches pour savoir de quoi je parle, et j'ai également écouté, du coup, les morceaux, donc l'EP complet même. Il fait 4 titres, donc c'est assez rapide à écouter. Et donc, j'ai eu l'occasion de lire, en faisant mes recherches, je cite, « On peut goûter au quotidien à la douceur de vivre de la région bordelaise, et paradoxalement avoir envie ou besoin d'exprimer des sentiments plus âpres, plus sombres, pardon, de dessiner des tranches de vie qui ne sont pas forcément aussi agréables et positives qu'on l'imagine. » Fin de citation. Est-ce que c'est là vraiment ton objectif en tant que, du coup, fils avec un point à la fin? Est-ce que c'est là mon objectif? Je sais pas, vous avez vu ça dans un article, une chronique, c'est ça? J'ai vu ça en faisant mes recherches, du coup, sur... un Kujradine, justement, qui m'a envoyé le dossier de presse, le press kit. Et donc, j'ai vu ça là-dessus, donc ça m'intéressait comme question. Ouais, d'accord, ok. Avec FIS, du coup, j'essaie de trouver quelque chose de brut du quotidien. Et je sais pas si j'ai réfléchi vraiment à partir dans une direction, juste à des choses qui m'ont touché, en fait. Alors, C'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont assez durs. Mais en même temps, mais c'est le monde qui m'entoure et comme ça, en fait, il y a des choses que je vais trouver belles et que je vais essayer de transmettre. Il y a des choses qui vont me toucher, qui peuvent même des fois donner des sentiments de fatalité sur le monde qui arrive et sur le monde qui nous attend. Et quand ça me touche, mais je le retransmets aussi. Je pense pas que j'ai voulu aller dans une pensée particulière, juste essayer de respecter ce qui me touche et de le retransmettre. D'accord. Et j'ai également eu l'occasion de lire que tu bouscules les codes de ce rock auquel tu nous as habitués auparavant, posant d'une voix pesante des mots sobres et percutants sur des mélodies qui s'avalaient droit au but. Est-ce que là aussi c'est un de tes buts de ne pas passer, on va dire, par 18 chemins différents et d'y aller tout droit en fait? Ouais, ça clairement pour le coup, les chants en français comme ça, parler très simplement, très brut. J'essaie de retrouver quelque chose de cru, mais du quotidien en fait, quand je parle avec quelqu'un, genre j'ai voulu que ce soit pas trop fictionné, justement. Pas trop chanté. Que ce soit vraiment le plus brut possible, quoi. Donc ça c'est vraiment une envie de donner cette sensation là. D'accord. Et donc dans tes titres, ça je l'ai également lu, mais je l'ai aussi ressenti en écoutant cette EP, tu racontes des visions de la vie oscillant entre joie et peine, entre optimisme et fin du monde, entre intime et universel. Donc pourquoi avoir pris la décision de faire des titres dans lesquels tu racontes tous ces sentiments contraires? Justement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait ça, c'est des thèmes qui à des moments donnés me touchent, et quand ça me touche, je le retransmets en musique. Donc après on ressent tous un peu les mêmes choses, hein, mais... de la fatalité, je sais pas, il y en a un qui s'appelle Putain on crève, donc certes c'est pas très gay, c'est vrai. Et ça parle de genre de laisser un monde à nos enfants. On sait tous dans le monde dans lequel on est, ça va être compliqué plus tard, et ça parle de ça, de laisser un monde chaotique à des enfants qui auront peut-être pas d'autre choix que de se battre en fait, comme les gens qui sont nés à la Seconde Guerre mondiale, par exemple, qui n'ont pas eu de choix, quoi, que de subir ce qui allait arriver. D'accord. Et il y a aussi d'autres choses qui me parlent, l'amour, par exemple, le fait d'aimer quelqu'un, de ne pas le posséder, le morceau qui s'appelle Vas-y. Et quand on aime quelqu'un, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on l'aime, dans tous les cas. C'est ça que je voulais transmettre dedans. Okay, justement, et donc voilà, tout ça, c'est des thèmes universels que tout le monde vit au quotidien, en fait, et voilà, quand ça me touche, je les retransmets. D'accord. Et donc justement, Putain on crève, qu'on écoutera un petit peu plus tard dans cette émission. Donc justement, comme annoncé en introduction, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler de ta carrière, ainsi que de l'histoire de Fils avec un point à la fin, et de ton premier EP éponyme sorti le 19 mars dernier. Mais avant d'approfondir le sujet, je te propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier extrait de ton EP, et que nous écoutions le morceau numéro 2 de ton EP, morceau intitulé Amorphe, morceau qui a d'ailleurs le droit à son clip sur internet. Ouais. Donc est-ce que ça te va qu'on écoute ce morceau? Très bien. Parfait. Alors on écoute Amorphe, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Ça marche. Thank you. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et internet, Radio Line ou Orange Radio, partout en France. Il est 14h18 et vous venez d'écouter Fils avec son morceau intitulé Amorphe, tiré de son tout premier EP éponyme sorti le 19 mars dernier. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie, au téléphone, de Stéphane, ou Fils, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de ce premier EP. Ça va toujours ? Ouais, très bien, toujours. Donc, avant d'aller plus loin, quels sont tes objectifs, tes messages que tu veux transmettre à travers tes titres, et donc à travers ce titre Amorphe ? À travers Amorphe, vous voulez dire ? Ouais. Oui. Oui. À travers Amorphe, il y a une sensation de... C'est dans les moments en fait où on perd un peu l'espoir, où on n'est pas très vaillant dans sa vie, on est dans une routine qui nous endort un peu. Et quand c'est plus trop stimulé par des choses très enrichissantes et qu'on voit la vie des autres sur les réseaux, à la télé, genre qui a l'air toujours folle, où tout le monde se met un peu en valeur comme si c'était un film. Il y a des fois une espèce de décalage qui se fait où on se sent un peu comme une vieille chaussette, on se sent amorphe. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ce morceau, c'était le cas. Ça n'a pas duré forcément, mais voilà, ça voulait transmettre ça. D'accord. Et donc, aussi parler de la vie superficielle un peu des fois qu'on veut montrer aux autres. D'accord. Donc justement, en plus dans ton clip, parce que j'ai également regardé ton clip en préparant cette émission, le clip de la chanson Amorphe, le clip il est assez simple, on te voit sur un sofa, sur un canapé, et c'est presque... Ouais, t'es dans la même position, plus ou moins, pendant tout le clip. Donc, oui. Est-ce que là, ce clip aussi, il avait pour mon message, pardon, de montrer que, bah, en fait, t'es affalé sur ton canapé et tu n'as plus envie de rien faire? Ouais, c'est ça, le clip, on a cherché, même quand je suis dans le canapé ou pas dans le canapé, on cherchait des endroits où il y avait du mouvement, en fait, et moi, justement, je bougeais pas, en fait, pour montrer par l'image aussi ce décalage entre moi et la vie, en fait, de la vie des gens. D'accord. Et donc, justement, avant cette pause musicale, tu parlais que, en fait, dans ta musique, tu traites des thèmes qui te tiennent à cœur. Donc, on peut dire que ta musique et cette EP sont, entre guillemets, ton journal intime? D'une certaine façon, oui. C'est un peu un journal intime qui me permet d'extérioriser ce que je vis. En général, quand il y a des choses qui me touchent, plutôt que de les garder pour moi, je vais tout de suite prendre une guitare ou un papier pour écrire des choses et je vais extérioriser, je vais les, d'une certaine façon, comme pour l'art en général, le sublimer pour en faire quelque chose, quoi. D'accord. Et tu disais également un peu plus tôt dans cette émission que tu avais, quand tu étais plus jeune, un prof de musique qui t'a totalement dégoûté de la musique. Donc, ouais. Est-ce que justement, cette EP et tout, c'est un petit peu une revanche que tu as pris? Oh, non, je pense pas. Je pense que le fait qu'il était direct moi, je l'ai dépassé depuis longtemps. Et d'un côté, je lui en veux aussi, je l'en remercie aussi parce qu'il m'a offert, n'empêche, une rigueur de travail que j'aurais peut-être pas eu si j'avais... Je l'avais pas connu. Je sais que quand je dois faire tourner quelque chose, tant que je l'ai pas, je vais le faire tourner jusqu'à ce que je l'ai. Et cette rigueur-là de travail que je m'impose, je pense qu'elle est importante pour avancer dans un projet. Donc en soi, j'ai dépassé un peu cette frustration que j'avais eue avec lui et il m'a quand même apporté des bonnes choses, quoi. D'accord. Finalement, c'est la musique que je fais maintenant, je le vois pas comme une revanche par rapport à ça, en tout cas. D'accord. Et donc, justement, nous parlions que ton titre Amorphe, il a droit à son clip sur Internet. Donc, est-ce que d'autres de tes morceaux, par exemple de cette EP, a le droit à, pareil, à un clip? Ou est-ce que Amorphe, c'est vraiment le seul de tes morceaux qui a le droit à un clip? Non, il y en aura d'autres. On a tourné une session live du morceau Love Encore. D'accord. Qui est en montage, qui devrait sortir peut-être à la fin du mois. Je n'ai pas encore la date exacte, mais je la mettrai sur les réseaux sociaux. Et Putain en crève aura sûrement un clip aussi. Voilà. Mais je l'ai pas encore diffusé et j'attends encore un petit peu. D'accord. Donc dans ton EP éponyme, donc le sujet de cette émission aujourd'hui, il n'y a que 4 titres entre guillemets. Je dis entre guillemets car 4 titres, ça représente quand même beaucoup de travail. Donc pourquoi avoir décidé que ton EP ne compte que 4 titres? Parce qu'ils ont marqué une époque où ils ont été faits en fait très très rapidement, les 4 morceaux. Hein. Franchement, Vas-y par exemple, je l'ai fait en, en 2 heures, quoi. J'ai essayé de marquer tout de suite, de battre le fer pendant qu'il était chaud et de tout de suite marquer ce que je ressentais. Et du coup, ces 4 morceaux, ils ont été faits d'une foulée un peu, et je voulais que ça marque ce moment-là de ma vie. Tous les autres morceaux que j'ai faits après, c'était pas la même, le même sentiment, la même période, et du coup, bah, je voulais pas les coller à ces morceaux de cette époque-là. Du coup, voilà, 4 morceaux qui sortent de cette EP, qui sont prêts depuis un an, déjà. D'accord. Et entre-temps, mais là, j'ai composé énormément de morceaux, j'ai de quoi faire un ou voire 2 albums déjà, et qui sont dans une autre période de vie et qui sont peut-être dans un délire un peu plus positif, on va dire, un peu plus optimiste. D'accord. Donc, quelque part, même si c'était peut-être des moments un petit peu moins joyeux que d'autres dans ta vie, cette EP, c'est un petit peu, en quelque sorte, une... Tu voulais garder une trace de cette période de ta vie? Oui, c'est ça, ouais. Elle a été comme elle a été, mais elle est marquée en tout cas. Elle est figée un peu dans le temps, et puis ça a été mis en musique, donc je suis assez content. Et ça t'a peut-être permis également de, justement, cette période et cette EP de te construire ou de te reconstruire? Peut-être. Peut-être ça, je me suis pas posé la question si ça m'avait permis de me construire ou de me reconstruire, mais en tout cas, ça me fait toujours du bien, la musique, dans la vie en général. Pour tout extérioriser, pas garder pour soi, en fait. Je pense que tout le monde a un peu quelque chose comme ça qui lui permet de lâcher du lest, que ce soit du sport ou de l'art en général, ou je sais pas ce qu'il y a d'autre. D'accord. Je pense qu'on a tous quelque chose comme ça. Donc, comme nous le disons depuis le début de cette émission, donc ton nom de scène, c'est Fils avec un point à la fin, mais tu es également accompagné d'autres musiciens et musiciennes. Donc, oui. Il y a, on peut les citer, il y a Emeline Marceau à la guitare. Oui. Laura Odella ou Odeya, je ne sais pas comment ça se prononce. Odella à la batterie. Et il y a Florian, ouais, Larzul à la basse, au clavier et à la guitare également. Oui, c'est ça, il est couteau suisse un peu. Il touche à tout. D'accord. Et j'aime bien poser cette question un petit peu indiscrète, mais pas trop. Quel lien vous unit tous les quatre? Est-ce que vous êtes, amis d'enfance? Non, pas du tout. Florian Larzul, c'est l'ingé son en fait de mon autre projet Mamakia, donc je le connais depuis longtemps. D'accord. Du coup, on a toujours fait un peu de la musique à droite à gauche comme ça, et puis là, pour le fils, du coup, il me proposait de faire la basse, et j'ai dit oui direct. Emeline Marceau, qui est à la guitare, elle est dans 3 autres projets sur Bordeaux, et elle est dans Génial au Japon, je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Oups. Dans Roseland, dans Pyramide Kiwi. D'accord. Je l'ai toujours vu sur la scène. Non, vous, ça vous dit rien? Vaguement. Ok. Et je l'ai toujours vu dans différents concerts sur la scène bordelaise et tout. Et je trouvais que c'était une super guitariste, en fait, par rapport à pas mal de gens dans mon entourage. Il y a de très bons musiciens, mais j'aimais bien. Je la trouve assez charismatique et tout. Du coup, je lui ai proposé le projet. Je pensais pas qu'elle accepterait parce qu'elle a déjà 3 autres groupes. Et finalement, elle était partante. Donc, ouais, j'étais hyper content. Et Laura Odella, je l'ai connue à travers, pareil, le réseau de musiciens qu'il y a sur Bordeaux. Elle était dans une école de musique, je l'avais vu jouer plusieurs fois, et j'aimais bien sa personnalité. On ne se connaissait pas si bien que ça, mais on apprend à se connaître au fur et à mesure des répètes. D'accord. Donc, justement, toi, dans ce quatuor, entre guillemets, tu es chanteur, mais est-ce que tu joues également d'un instrument en tant que fils, ou même dans ton autre groupe, Mamakia, ou ton instrument, c'est ta voix? Ah non, je joue de la guitare aussi. D'accord. À la base, je suis plus guitariste que chanteur. D'accord. Et dans Fils, du coup, je joue de la guitare et je fais le chant. Et dans Mamakia, je fais guitare et chant aussi. Okay. Après, je joue un petit peu de batterie, je joue un peu de basse, un tout petit peu de clavier. J'essaie de toucher à tout aussi. D'accord, ok. Donc avant de poursuivre à nouveau, il est 14h27, je te propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans un deuxième extrait de ton EP éponyme, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 1 de l'EP, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, morceau intitulé « Putain, on crève ». Ouais. Donc on écoute ce morceau, et on se retrouve juste après, du coup, ce morceau. Donc à tout de suite. Ok, à tout de suite. T'es prête? On va y aller. Prépare-toi, moi je suis prêt. Mais t'inquiète pas, dépêche-toi. Meurs. t'inquiète pas, on y va ensemble. Meurs. Tu les voyais. Et galaxies à des années-lumière. Et à des années-lumière. T'emballe pas, c'est pas pour toi. Crève. Crève. Crève. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h, presque 14h30. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et internet Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Fils, avec un point à la fin, c'est important de le préciser, avec son morceau Putain on crève. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Stéphane, ou Fils justement, qui est là pour nous parler entre autres du premier EP, de son premier EP. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie Stéphane? Très. Je passe un très bon moment. Parfait. Ça me fait plaisir de parler avec vous et je vous remercie de vous intéresser au projet et de faire des questions pertinentes. Bah avec plaisir. Du coup, on va reprendre le cours de cette émission tout doucement. Même question que pour la première pause musicale. Quel message veux-tu faire passer dans ce morceau Putain, on crève? Alors, Putain, on crève, j'avais vraiment cette image de moi qui parle à ma fille dans un futur plus ou moins proche. J'imaginais ça et en fait je voulais justement perdre un peu l'auditeur au début. On sait pas trop à qui je parle en fait, je lui dis t'es prête, on va y aller, prépare-toi, moi je suis prêt. En fait on va un peu vers ce futur de l'humanité où elle va devoir peut-être se battre, ou peut-être qu'en fait on n'aura pas le choix et ça sera peut-être la fin de notre civilisation. Et c'est un peu pessimiste, c'est un peu pour créer un peu cette frustration face à la fatalité. Mais ça parle de ça en gros, de lui laisser un avenir où elle aura peut-être pas la chance de s'épanouir. D'accord. Ok. Justement, dans c'est ta vie. Ça, je dis putain de crève. Excusez-moi. Non, pas grave. Bah, allez-y si vous avez encore quelque chose à rajouter. Comment? Si tu as encore quelque chose à rajouter, vas-y. Il n'y a pas de souci. Ah non, voilà, du coup, putain de crève, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, que c'est un peu cru, mais. Mais voilà, ça donne envie des fois de se battre, de sentir la fatalité. D'accord. Donc justement, dans ta musique, est-ce que tu as des inspirations? Si oui, quelles sont tes inspirations, que ce soit au niveau de la musique, du chant ou autre? C'est assez large. J'ai beaucoup écouté du Radiohead, du Jeff Buckley, du rock en général 90. Et après, en chanson française, bizarrement, j'ai pas une grosse... de grosses influences. Je m'y suis mis tardivement parce que ma mère, quand j'étais petit, elle détestait la chanson française, du coup, on n'en écoutait jamais. Mes parents, en général, m'ont jamais fait écouter quoi que ce soit. Et j'ai découvert que tardivement un peu la chanson française, donc je sais pas. Je pourrais pas dire qu'est-ce qui m'a donné envie de chanter comme ça en français de façon un peu désinvolte. Peut-être plus toute la vague de rap et de slam que j'ai pu entendre, je pense, dernièrement, avec ce style musical qui prédomine un peu. Je pense que c'est ça aussi qui m'a inspiré. D'accord. Maintenant, je te propose de revenir un petit peu aux origines de Fils. Comme nous le disions un peu plus tôt, donc, du coup, c'est ton projet, on va dire, solo. Donc, oui. Mais tu fais également partie d'un groupe qui s'appelle Mamakia. Mais justement... Oui. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de... On a un petit peu parlé tout à l'heure, mais tu peux peut-être un petit peu développer si tu as envie. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de faire ce projet solo, Fils, avec un point à la fin? Mais clairement, je pense que c'est de faire dans la simplicité. avec ma maquille, on passe beaucoup de temps sur les morceaux, beaucoup de recherches. Ça prend beaucoup de temps en général pour faire quelque chose. Et avec Fils, en fait, à la base, je pensais même pas sortir le projet. En fait, je voulais juste faire des morceaux pour moi qui sortent simplement et qui me font du bien, un peu sans prise de tête. Mais finalement, j'y trouve quelque chose d'assez authentique et qui m'a donné envie de le sortir. Mais voilà, je cherchais vraiment la simplicité de la création. D'accord. Et donc maintenant, j'ai une question peut-être un petit peu piège. On va voir, tu vas jauger, on va dire. Qu'est-ce que tu préfères entre travailler en groupe avec Mama Kia et travailler tout seul avec Fils? C'est deux choses complètement différentes qui m'apportent autant l'une que l'autre. Je sais pas si je pourrais en choisir une. Je pense que selon les moments, il y en a qui me font plus de bien. Avec Mama Kia, on va vraiment plus travailler en binôme et vraiment croiser nos idées et essayer de construire quelque chose à plusieurs. Alors que avec Fils, je peux aller au bout d'une idée personnelle, en fait. Et les deux sont épanouissantes. Je pense pas qu'il y en ait une qui soit mieux que l'autre. D'accord. Oui, donc en effet, même si Mama Kia et Fils, c'est tous les deux de la musique, mais comme quoi, même dans une seule discipline qui est la musique, il y a différents procédés de travail. Ah oui, clairement. Tout le monde a sa façon un peu de fonctionner. Il y a des gens qui sont des groupes qui ont le leader un peu nazi, quoi, genre qui va donner des ordres à tout le monde et que ça va être carré, il faut que ça suive, un peu comme un chef d'entreprise. Il y en a qui vont être vachement dans la communication, l'échange et tout. Je pense que c'est comme un couple, en fait. Chacun trouve son équilibre pour que ça tienne et que ça marche, que ça avance. D'accord. Justement, nous disons un peu plus tôt, ton projet Fils, avec un point à la fin, ça sonne très, très rock, mais avec quelques notes de pop et de spoken word, c'est-à-dire presque en parlant sur de la musique rock. Ouais. Pourquoi avoir pris cette décision de faire, bon, j'oserais dire en vulgarisant un petit peu, du slam sur de la musique rock? Ouais, c'est vrai que ça ressemble finalement un peu à du slam sur de la musique rock. Mais au début, je le voyais pas comme ça, mais c'est vrai que ça ressemble à ça. Et j'avais vraiment, je sais pas, le fait de parler comme ça simplement, de m'adresser à quelqu'un, je trouve que c'est, je sais pas, ça me ramène plus proche de la réalité, en fait. Et justement, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression de parler vraiment de quelque chose du quotidien et de pas être dans quelque chose de fictionné. Donc c'est ça qui me plaisait dans le fait de parler comme ça, et que ouais, cette façon de vivre, quoi. C'est aussi une certaine originalité, parce que sur de la musique rock, c'est plus du chant, par exemple, pour citer les grands groupes, AC/DC, etc. Donc c'est une certaine originalité également. Bah peut-être, je cherchais pas l'originalité, en tout cas je cherchais quelque chose qui me touchait. Et apparemment c'est un peu original. Et donc justement, pour parler un petit peu de ton groupe Mama Kia, est-ce que justement dans ce groupe c'est à peu près le même style de musique, ou est-ce que c'est, vu que tu es également chanteur dans Mama Kia, est-ce que tu pratiques le même style de musique ou est-ce que c'est totalement différent? Bah je pense que pour quelqu'un qui écoute pas de rock, ça va être à peu près ressemblant. Pour quelqu'un qui écoute, qui s'y connaît bien, on va quand même y voir des différences, quoi. Fils, ça va un peu à l'essentiel, c'est en français, c'est pas trop chanté, c'est pas trop axé sur la technique, et Mama Kia, ça va être un peu plus épique, on va dire. Plus de parties, un gros jeu de batterie, du coup, de Boris Larzul, avec qui je fais le projet. D'accord. Et des lignes de chant, voilà, plus travaillées, plus poussées, et c'est en anglais aussi. Mmh. Ouais, c'est que c'est quand même assez différent. Avec une ambiance un peu plus grunge, avec des petits samples électro. Ouais, c'est quand même pas le même délire. D'accord. Donc dans Mama Kia, tu chantes, tu ne parles pas comme dans ton projet Fils? Ouais, c'est vraiment plus chanté. D'accord. Mais là, sur les albums qu'on prépare, j'ai de plus en plus envie de revenir sur des trucs un peu comme ça, un peu plus simple, moins épique. C'est quelque chose, je sais pas, qui arrive avec le temps, là, d'être avec l'âge, je sais pas. J'ai envie de revenir à des choses plus simples, plus vraies. D'accord. À revenir à des choses, on va dire, plus à la sauce Fils. Bah ouais, ce serait de quelque chose qui me font ressentir une authenticité un peu plus marquée, quelque chose de plus sincère, de moins fictionné, là, c'est ça. D'accord. Donc, en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai vu sur le site de Le Bureau de Lilith que tu nous plonges, je cite, à grand renfort de continue rock aux accents spoken word et pop, comme nous venons de le dire, dans un grand bain régénérant, loin de ce que l'on a l'habitude d'entendre, et pourtant si proche de nos aspirations profondes. Fin de citation. Comment tu expliques cela? Eh ben, du coup, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est des morceaux rock avec un côté slamé, en fait. Donc, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, c'est ça. Et finalement, ben, l'instru qui est derrière, c'est quelque chose qui nous rappelle énormément de morceaux, en fait, du rock 90. Que j'explique ça comme ça. D'accord. Ah oui, c'est quand même assez recherché comme méthode de musique. Ouais, mais écoutez, je pense pas l'avoir vraiment recherché. J'ai juste vraiment fait quelque chose pour moi, pour m'amuser, en fait, et pour transmettre de l'émotion, la mettre sur le papier d'une certaine façon. Mmh. Et après, en fait, ben, je me suis rendu compte que c'était pas mal et je l'ai sorti, mais c'était pas du tout prémédité. Je voulais chercher pas quelque chose d'original, je cherchais pas quelque chose qui sortait un peu des sentiers battus. Hein, moi, quand on me dit que c'est original, je trouve ça cool, mais j'ai pas l'impression que ça le soit tant que ça. Mais écoutez, ça me fait plaisir. D'accord. Et donc, également, tes titres, donc dans cette EP, il y en a quatre. Donc c'est, le premier, c'est Putain, on crève. Le deuxième, Amorphe. Le troisième, Vas-y. Et le quatrième, Love encore. Dans tous ces titres, tu as lié, on va dire, fragilité et puissance. Est-ce que c'est vraiment là le but recherché, donc, par exemple, de traiter des sujets forts, mais à la fois avec un petit côté plus fragile, plus doux? Ouais, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, ce contraste-là. Ça me crée une émotion, moi, qui est puissante. J'ai toujours aimé contraster quelque chose de brutal et de très aérien, par exemple, dans Amakia, on aime bien faire ça. Et dans Fils, c'est ça, il va y avoir des textes peut-être un peu durs, des mots un peu durs, avec une ambiance un peu féerique, un peu enfantine. Les deux ensemble vont créer quelque chose en plus, j'ai l'impression. En tout cas, c'est une volonté de trouver cet état-là. D'accord. Et également, j'ai lu et je l'ai ressenti aussi en écoutant ton EP en préparant cette émission, qu'on ne peut pas rester justement amorphe, pour paraphraser un de tes morceaux, et qu'on ne peut pas rester non plus insensible. En créant cette EP, est-ce que tu voulais vraiment, on va dire, transmettre de l'émotion à celles de ceux qui écoutent ta musique? Bah, à la base, je voulais juste transmettre de l'émotion tout court sur de la musique. Après, forcément, la musique, elle est faite pour être écoutée. Donc, bien sûr. Dans un deuxième temps, maintenant que je défends le projet et que je l'ai sorti, clairement, oui, j'ai envie que les gens puissent être touchés parce que je sais pas ce qui se passe dans les morceaux, bah, à travers les textes ou juste l'instrumental, qui peut avoir quelque chose d'un peu de mélancolique par moment, un peu nostalgique. Clairement, le but de faire de la musique, c'est de toucher des gens et que ce soit partagé. Bien sûr. Et donc, justement, est-ce que tu as d'autres projets solo, donc d'autres projets avec Fils, ou est-ce que, pour l'instant, tu préfères te concentrer sur Mamakia, maintenant que ton EP Fils est sorti? Maintenant que l'EP Fils est sorti, ça y est, je suis préparé maintenant à pouvoir le défendre et à essayer de le développer. Donc là, si les concerts reprennent, enfin, on va pouvoir peut-être commencer à entrevoir des concerts. Et puis, je suis en train de chercher un label aussi, j'hésite entre plusieurs labels, je sais pas trop encore. Mm-hmm. Mais voilà, j'ai bien envie de développer les deux projets en tout cas. D'accord, donc on aura peut-être dans un futur plus ou moins lointain la chance d'avoir un album en tant que Fils. Ah oui, c'est sûr. Là, l'album, je crois qu'il est pratiquement déjà prêt. Je sais pas s'il faut que je le dise, mais... Ah bah ça, Mais j'ai déjà tout de prêt avec le confinement. Comme beaucoup de musiciens, je pense qu'on a tous essayé quand même de créer, je crois que ça a été même une nécessité quoi. Mmh. Ben justement, on parlera du confinement après cette prochaine pause musicale, et je te propose de nous lancer du coup dans un nouvel extrait de ton EP, histoire de reprendre notre souffle et de nous hydrater un petit peu, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 4 de cette EP, morceau intitulé Love Encore. Donc est-ce que ça te va qu'on écoute ce morceau? Très bien. Parfait. Alors on écoute Love Encore et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite. À tout de suite. We'll be right back. Avec son morceau Love Encore sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour, il est 14h45 et vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et applications web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Stéphane, ou fils avec un point à la fin, qui est là pour nous parler justement de sa carrière, on va dire solo en tant que fils, mais aussi du premier EP de fils sorti le 19 mars dernier, EP éponyme. Tout est toujours beau pour toi ? Oui, tout est toujours... Oui, ça vous plaît. Parfait. Donc, tu es habitué désormais. Même question que pour les deux précédents morceaux. Quel était l'objectif dans ce morceau Love Encore ? En d'autres termes, que voulais-tu raconter dans ce titre ? Alors, Love Encore, c'est très simple. C'est juste un sentiment quand on a du désir, quand on aime quelqu'un. Je vois ça un peu comme comme tous les autres morceaux. D'ailleurs, c'est souvent des scénettes pour moi. Des petites scénettes, on ne sait pas ce qu'il y a avant, on ne sait pas ce qu'il y a après, mais il y a juste le moment-là qui est là, qui est important. Et Love Encore, c'est juste ça, genre quelqu'un qui regarde quelqu'un, qui a du désir, et en fait, c'est figé. Et tout ce qu'on ressent en ce moment-là, tout ce qui monte en nous, d'émotions, en fait, face à cette personne, et bien ce morceau, c'est ça, c'est juste figé, et on étire cette émotion pendant 3 minutes 40, juste cette émotion d'amour. D'accord. C'est vrai qu'en fait, je répète tout le temps la même phrase, parce qu'en fait, c'est juste ça. Je voulais juste faire monter cette intensité, en fait, sans qu'il y ait forcément beaucoup de paroles, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire quand on ressent ça. D'accord. Oui, donc on peut imaginer une scène, par exemple, toi ou même un homme ou une femme qui regarde la personne qu'il ou qu'elle aime et qui se disent, mais qui, comme tu dis, qui la désire et qui dit, ah, j'aimerais bien avoir cette personne avec moi. Oui, c'est ça, mais ça peut être de plein de façons différentes, mais en tout cas, offre-moi de toi, j'en veux encore, mais c'est juste, je veux encore de toi, j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Ça peut être un couple qui s'aime depuis 40 ans, ça peut être quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un et c'est tout frais. Ça dépend de chaque personne, chacun peut s'identifier à ce qu'il ressent sous moi. Avec le micro allumé, c'est mieux. Oui, c'est bon. Il y a plusieurs lectures possibles dans ton titre. Oui. D'accord. Et en préparant cette émission, j'ai également eu l'occasion de lire que ta musique est décrite comme une folle intensité libératrice et sauvage. Comment expliques-tu ce côté libérateur et sauvage, justement ? Mais je pense que c'est peut-être par les côtés un peu brutaux. Enfin, brutaux. Quand je dis brutaux, c'est que ça va être très calme et d'un coup, ça va partir d'un coup à fond. D'accord. Et je pense que le côté libérateur, ça c'est peut-être ça. Je ne sais pas qui c'est qui avait écrit ça, mais... J'imagine que c'est ça, c'est quand on retient un peu les émotions, qu'on est dans son petit cocon, et que d'un coup on lâche tout, et ça part, quoi. Et je pense que c'est ça, ce côté libérateur. D'accord. Donc justement, on va revenir au début de l'aventure, on va dire. Combien de temps cela t'a-t-il pris pour créer ton EP, on va dire de A à Z ? L'EP ? Oui. Ah, de A à Z ? Bah, pour la composition, ça m'a pris très peu de temps. D'accord. Je pense que ça m'a pris moins d'une semaine. D'accord. Ensuite, après, pour le mixage et tout, j'ai tout fait moi-même, je l'ai fait un peu plus tard. En soi, il a été fait assez rapidement. Je pense que dans tout le processus de création, ça m'a pris 2 semaines. D'accord. Ça m'a pris 2 semaines, et après, juste pour préparer avec Géraldine du bureau de Lilith, du coup, mm-hmm. C'est l'attachée de presse qui m'accompagne. Oui. Ça a été plus de préparation pour préparer la sortie, et tout ce qui est plus aussi administratif. C'est ça que qui est le côté un peu plus de l'ombre et qui est un peu plus chiant. Pour moi, en tout cas. D'accord. Des fois, on aimerait juste faire de l'artistique. En fait, il faut quand même savoir toucher à tout quand on veut pousser son projet. Donc ça a pris un an, en fait, avant de sortir. D'accord. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure, en faisant des émissions avec des artistes, et ce, quel que soit l'art pratiqué, nous pouvons difficilement passer à côté de cette question, pardon. Avec la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous depuis plus d'un an maintenant, n'est-ce pas trop compliqué pour toi tout simplement, n'est-ce pas trop compliqué, ou alors est-ce que tu as réussi à passer entre les gouttes, entre guillemets? Est-ce que c'est pas trop compliqué pour moi, vous voulez dire, à tous les niveaux, ou... Oui, voilà, à tous les niveaux, au niveau avec le contact avec votre public, tout ça. Bah, ça a été un peu dur au début pour Mamakia, parce qu'on a lancé notre album, notre premier album, et la moitié de la tournée a été annulée, du coup. Mm-hmm. Donc ça a été un peu dur, et après, finalement, j'ai mis ce fait, en fait, et j'ai réussi à trouver quand même une routine de continuer à créer. Ce qui a été dur, c'est de plus faire de concerts, de plus tourner, d'être dans l'incertitude financièrement aussi, parce qu'on est intermittent, mais si on perd intermittent, ça va être compliqué. Moi, je bossais en restauration avant, et c'est vrai que je suis vraiment content de pouvoir vivre que de la musique, et devoir repartir, bosser en restauration, et allier ça avec la musique, ça serait hyper compliqué. Et donc voilà, il y avait un peu cette incertitude, cette insécurité-là. Mais sinon, moralement, je pense que ça va. Peut-être c'est un peu dur de le côté routinier qui s'installe, alors qu'on a quand même choisi de vivre de la musique pour avoir des vies qui sont pas si routinières que ça, rencontrer des gens, que ça soit toujours un peu différent, que ça soit toujours stimulant. Et là, le confinement, ça enferme un peu dans une petite routine. Quoi. D'accord. Heureusement que tu pars. Voilà. Oui. Des hauts et des bas, quoi, on va dire. Ouais, j'imagine, oui. Donc heureusement que quelque part que les réseaux sociaux sont là pour te permettre de, on va dire, de maintenir du contact avec ton public. Ouais, mais déjà j'ai carrément lancé le projet pendant le confinement, donc là c'est créer un public carrément. Mais heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour défendre un projet quand même, malgré le fait qu'il n'y ait pas de concert, c'est clair. Ça m'a vraiment aidé. On a un article de Rolling Stones qui nous a bien aidé dès le début sur la sortie du projet. Et des playlists après, c'est vrai que avec les sites de streaming comme Spotify et tout, qui a relayé un peu le projet. Et du coup, ça a fait du bien pour une sortie. Et j'imagine que... Et j'imagine que, comme pour tous les artistes, la scène te manque beaucoup. Ouais, ça commence à faire long, là. J'ai l'impression que je sais même plus qu'est-ce que c'est, quoi. On est censé jouer le 9 juin à la Rock School Barbée de Bordeaux avec Mamakia. Et ça va être cool, mais je vous avoue que ça fait tellement longtemps que je sais même plus si ça me manque ou pas. Je pense que quand je vais revenir sur scène, c'est vrai que je vais tout saisir, quoi. Oui, que ça va, que toute la passion, toute l'envie de produire du beau spectacle te reviendra en mémoire. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que là, ça fait tellement longtemps que je me suis fait un peu une raison, d'une certaine façon, pour continuer à être bien. Et je pense que ça va faire vraiment du bien, ouais, de retrouver cette sensation-là. Quand même tard, ouais. D'accord. Nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, il va être bientôt 14h53. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent se lancer dans la musique, quels seraient les conseils que tu leur donnerais? S'ils veulent se lancer dans la musique, il faut vraiment déjà qu'ils aiment ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui vont le faire pour diverses raisons. Et je ne sais pas si c'est quelque chose d'assez motivant pour le faire longtemps, en tout cas. Donc déjà, être bien sûr qu'ils aiment ça. Et après, je pense qu'il faut... essayer de s'écouter pour la création, par exemple, de pas aller chercher trop loin, juste de parler de ce qu'on connaît ou de ce qui nous touche pour que ce soit le plus sincère possible. Et ensuite, peut-être avoir une rigueur de travail à s'imposer pour être sûr de pousser son projet, parce qu'il y a beaucoup de groupes et beaucoup de groupes talentueux, et il faut vraiment être motivé et être un peu dur avec soi-même pour y arriver, je pense. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, de développer mon projet au mieux, d'avoir un public qui grandit petit à petit, et de l'épanouissement personnel. Je pense que vous pourriez me souhaiter ça. Allez, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce que tu as un dernier mot avant de nous quitter? Je sais pas, mais je pourrais juste vous remercier déjà d'avoir pris du temps pour parler du projet. Avec plaisir. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Je pense qu'on a pas mal parlé du projet, on a fait un peu le tour. Et donc justement, moi, j'avais une petite dernière question. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs t'ont découvert dans cette édition de Fréquence Libre et qui aimeraient suivre ton parcours, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour te retrouver? Mon parcours? Pour me retrouver sur les réseaux sociaux, vous voulez dire? Oui, voilà, par exemple, pour suivre ton avancée, pour suivre ta carrière. Eh bien, sur FIS, avec un point, du coup. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, enfin, tous les réseaux classiques actuels. Et si vous ne trouvez pas, parce que FIS, du coup, c'est un nom vachement utilisé dans le langage français, il faudrait taper FIS. Et amorphe. Le titre où il y a un clip, et là du coup ils trouveront pour sûr. D'accord. Et également je vois sur le document de presse qu'on m'a envoyé pour préparer cette émission avec l'EP que tu as Facebook et Instagram. Oui. Donc sur Facebook c'est Fils BDX. Ah oui, c'est sur c'est Fils BDX. Voilà. Et sur... c'est Fils Bordeaux en fait ça veut dire. Et c'est sur... ça donc FILSBDX. Et sur Insta? C'est tout attaché. Et sur Insta? Pardon? Sur Instagram? Et sur Instagram, je crois que c'est ça, Fils Bordeaux. C'est non, j'ai le tiret du 8 fils.bdx. Fils BDX, il me semble bien que c'est ça. De toute façon, je mettrai tous les liens de tes réseaux pour te retrouver en podcast de cette émission demain dans la journée. D'accord, ok, ça marche. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois, Stéphane, d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci à toi de m'avoir invité. Merci beaucoup. D'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après, hors antenne. Cette émission sera rediffusée demain, mercredi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant, pourquoi pas, au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique, après le générique, avec soit Is This All There Is, voilà, accent anglais toujours présent, quand même, de Roé, ou alors avec Entardecer, je crois que ça se dit comme ça, de John Beltran, avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais par téléphone Jean-Yves Dion, auteur, apothicaire, formateur, coach santé, conférencier, chercheur, documentaliste, rédacteur et conseiller dans le domaine de la santé et des PSN, ce sont les produits de santé naturelle, de renommée mondiale. Donc, quant à nous, nous nous retrouvons demain, mercredi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont, Arnaud Finance, qui sera là pour nous parler du deuxième tome des aventures de son personnage Jesse Liberty, tome intitulé Angel Bay Wrestling Diary, The Storyline of Jesse Liberty. Merci du coup de votre fidélité à Radio Guémozo, et je vous dis à demain. Donc salut, et à demain du coup.